La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Cartier-Bresson disait qu'il n'avait pas l'obsession de la photo, mais qu'il était en revanche obsédé par ce qu'il voyait, par la vie, par la réalité, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Il faut comprendre cela pour s'approcher du personnage qui fut un peintre et un homme engagé, un artiste et un photoreporter. Cartier-Bresson semble d'ailleurs n'avoir jamais cessé de brouiller les définitions classiques de l'œuvre d'art, comme nous allons le voir ici jusqu'à mercredi. Mercredi, ce sera avec un journaliste du Monde que je m'entretiendrai en première partie, Michel Guérin, qui nous parlera du rapport de Cartier-Bresson avec le célèbre Journal du Soir, tandis que Clara Bouvresse évoquera en seconde partie l'histoire de l'agence Magnum qu'il avait fondée avec quelques autres, et que demain, Jean-Pierre Montier fera avec nous le tour de son œuvre photographique. Enfin jeudi, nous vous proposerons de découvrir une émission sur l'artiste et photographe américain Man Ray que nous n'avions pas pu diffuser durant la semaine qui lui était consacrée début janvier. Il sera question de Man Ray et la mode, ainsi que de son film L'étoile de mer. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour raconter la vie d'Henri Cartier-Bresson, nous sommes en compagnie d'Agnès Cyr, directrice de la Fondation Henri Cartier-Bresson à Paris, 79 rue des Archives dans le Marais. Elle a écrit de nombreux textes sur le photographe, comme par exemple la préface au catalogue Scrapbook, qui regroupe des photos de la période 1932-1946 aux éditions Steidl en 2006. De même, elle a signé l'avant-propos de l'ouvrage Portrait par Henri Cartier-Bresson, le silence intérieur d'une victime consentante, paru en 2007 chez Thames and Hudson. Bienvenue à tous dans la Compagnie des œuvres. Maintenant, on enseigne tout sauf la sensibilité. Et pour moi, tout être humain est potentiellement un artiste. D'arriver à s'exprimer, c'est autre chose. Mais tout être sensible est un artiste. Et bien, les êtres humains sont sensibles. Les chats aussi. La photographie est une façon de vivre, c'est une attitude dans la vie. Nous sommes comme des papillons, c'est assez grave. Enfin, nous regardons à droite et à gauche, comme ça, et nous ne tirons pas de conclusions. Ce qui est beaucoup plus difficile pour un écrivain, lui, tire des conclusions, nous pas. C'est la plaque sensible, nous avons vu ça, j'ai senti ça, puis c'est tout. Cartier-Bresson dans un sujet d'Antenne 2 qui date de décembre 1988. Bonjour Agnès Cyr. Bonjour. Alors on va parler de la vie de ce photographe, puisque c'est la vie, on l'a dit, qui l'intéressait. Et même si lui-même était plutôt assez discret, au fond, sur sa vie. Oui, il était extrêmement discret, il n'avait pas du tout envie qu'on en parle. Quand Pierre Assouline a essayé de faire une biographie, il a eu le droit de s'entretenir avec lui sans prendre aucune note, sans enregistrer quoi que ce soit. A essayé et a réussi d'ailleurs, hein, parce qu'on peut lire cette biographie en folio chez Gallimard. Il a réussi, mais effectivement, tout comme Jean-Pierre Montier quand il a fait sa thèse, sans document à l'appui, et absolument seulement avec le contact direct avec la personne. Pourquoi, d'après vous, cette méfiance ? Je pense d'abord c'était quelqu'un qui cultivait l'art de la désobéissance, qui n'aimait pas du tout qu'on le range dans une case. Il a entretenu soigneusement cette variation entre la peinture, la littérature, la photographie, qui était vraiment pour lui un art mineur, et puis le fait qu'il est quand même devenu un des photographes les plus célèbres de la planète, mais il préférait s'intéresser vraiment à Paolo Uccello, c'était plus important pour lui. C'est ça qu'il faut comprendre tout de suite, pour comprendre Cartier-Bresson, c'est que pour lui la photographie c'était un art mineur, un peu comme la chanson pour Gainsbourg était un art mineur. Oui, je pense que c'est pas mal de commencer par ça. Évidemment, la photo qu'il fait à ses débuts dans les années 30, imprégnée de surréalisme, photographie qu'il fait comme une respiration, sans but, le nez en l'air. Et celle-ci, purement artistique, c'est un mauvais mot, mais une photographie créative. Après, quand il grandit et qu'il décide de créer Magnum et de faire un peu de photo-reportage, il n'est pas très bon journaliste, ça ne l'intéresse pas. C'est autre chose. C'est effectivement, c'est pas une photographie aussi intéressante. Alors sans le mettre trop dans une case ou dans une autre, on va quand même raconter un petit peu sa biographie, Agnès Cyr. La vie d'un homme qui commence le 22 août 1908 à Chanteloup, en Seine-et-Marne, dans une famille aisée. Ça, c'est important de le dire d'emblée. Famille aisée, qui n'aimait pas l'ostentatoire, qui venait de deux branches, les Cartier et les Bresson, qui au départ faisaient de la mercerie, ce qui donnera plus tard les fils DMC, les cotons. Et petit à petit, ces deux familles se sont associées et d'un genre de petits commerçants, et c'est devenu une grande dynastie d'industriels avec 450 employés à Pantin. Plutôt catho de gauche, qui donne aux bonnes œuvres. La mère de Cartier-Bresson, dont il était très proche, est une très grande lectrice, lit beaucoup. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir chez Cartier-Bresson, c'est que la lecture est très importante. Lui-même lisait énormément. Énormément, et c'était vraiment pour lui fondamental. Et ses deux oncles, il y en a un qui a dirigé l'usine longtemps et l'autre qui était peintre. Donc il y avait déjà quelqu'un, et il admirait beaucoup cet oncle qui était peintre, qui l'a un peu intéressé aussi à la peinture, au dessin. Les deux sont tués pendant la guerre. Lui, il est l'aîné de 5 enfants et il ne va pas du tout avoir envie de reprendre l'entreprise familiale. Alors, cette entreprise familiale, où on gagne quand même beaucoup d'argent, mais où il ne faut pas le montrer, ouais. Il y a même des moments où on a l'impression, comme par exemple à l'enterrement d'un des oncles mort à la Seconde Guerre mondiale, qui n'a pas une forme de pingrerie, mais enfin, on est dans un enterrement, comme le raconte Pierre Assouline dans sa biographie, un peu de troisième classe. Donc, il y a un rapport à l'argent un tout petit peu dissimulé. Est-ce que ça c'est important aussi pour saisir Cartier-Bresson? Comment dire, il y a toujours une certaine frugalité. L'argent c'est quelque chose d'assez sale, en fait, on n'en parle pas. Quand le fax est arrivé, Henri écrivait ses fax sur une demi-page de papier. Mais je ne sais pas comment dire, on ne percevait pas ça comme de la pingrerie. Il était très écolo et militant d'Amnesty International. Il trouvait qu'on gâchait du papier, c'est vrai. Ça, c'est lui, mais c'est ses parents qui étaient peut-être dans un rapport plus complexe à l'argent. Peut-être. Bon, enfin, c'est des gens qui ont effectivement, qui ont commencé par être boutiquiers, et puis qui ont développé, et qui sont devenus une grande famille industrielle. Bon, finalement, ça s'est revendu. Je ne sais pas si ça s'est très bien terminé. Je ne m'y suis jamais intéressée, mais oui, je pense que c'est peut-être assez proche finalement des protestants, des grandes familles d'industriels protestants français, c'est-à-dire pas non plus, il fallait bien faire du bénéfice, mais pas non plus esclavagiste. Avec une forme de culpabilité par rapport à ceux qui ont moins ou à ceux qui ont peu. Henri Cartier-Bresson, moi je l'ai connu assez longtemps, mais bon, il était déjà quand même assez âgé, mais j'ai le sentiment que il était toujours dans la provocation. Par exemple, il a entretenu des correspondances avec des prisonniers. Enfin, il aimait bien les choses un peu. Bon, il aimait bien les anarchistes. Il aimait bien, évidemment, dans sa jeunesse, tous les surréalistes, tout ça. Les gens qui n'étaient pas dans le rang, ils détestaient les certitudes. Henri détestait les certitudes et surtout les certitudes chrétiennes. Alors ça, c'était encore pire. Mais il disait toujours, je suis un peu normand, ni oui ni non, mais les certitudes, c'était épouvantable. Et dès qu'il voyait quelqu'un qui avait des certitudes affirmées, il disait le contraire. Oui. C'était systématique. Et pourtant, sa mère aurait bien aimé qu'il soit un bon chrétien, mais jamais, malgré leur proximité, elle n'a réussi à... Elle n'a pas réussi. Là. Ouais. Non, il a viré vite, et puis à la fin de sa vie, il est devenu assez bouddhiste. Mais ce n'est pas une religion, il parlait de ça plutôt comme une philosophie. Ah non, il n'aimait pas du tout les curés, tout ça, c'était... Non, ouais. Donc on dit qu'ils se ressemblaient un peu, la mère et le fils. Mais je ne sais pas, c'est possible, puisque en photo, effectivement, il y a une ressemblance. Et puis ce goût de la lecture qui n'était pas forcément si fréquent pour une femme, je ne sais pas, j'imagine que sa mère a dû naître en 1880, quelque chose comme ça. il y avait des femmes qui lisaient, mais enfin, elle avait 5 enfants, une entreprise à gérer avec son mari, et c'est quelqu'un qui, effectivement, le poussait énormément à lire. Et pour lui, c'était, je sais pas, entre la littérature et la peinture, je sais pas qui avait le dessus, mais enfin, à chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, il disait, faut que tu lises ça, faut que tu... Puis il lisait des choses qui n'étaient pas évidentes. Hein. Il lisait les mémoires de Saint-Simon. Moi, à la fin de sa vie, je l'ai vu lire Chateaubriand tout le temps. Puis le cardinal de Ré, évidemment. Le cardinal de Ré. Quand il a rencontré Martine Franck, qui est devenue son épouse, il lui a donné toute la recherche du temps perdu en lui disant, une fois que tu auras lu ça, tu comprendras les Français, etc., etc. Enfin, c'est quelqu'un... bon, pour lui, c'était quelque chose de fondamental. Mais on l'a dit, sa mère était nerveuse, et ça aussi c'est une marque de ressemblance entre les deux, parce que lui, c'était quelqu'un qui, dès l'adolescence, était assez colérique. Oui, alors je ne sais pas si elle était colérique, hein. j'ai pas approfondi la question du personnage de la maman. Lui pouvait être très colérique, révulsé par beaucoup de choses, très anarchiste, très dans la désobéissance, partant à l'opposé de où on lui disait d'aller. Et preuve en sont les quelques photos qu'il a fait à ses débuts de photoreporter, où on lui disait de photographier le couronnement du roi. Il faisait tout sauf le roi. Ça n'intéressait pas. À un moment, quand même, il s'est mis à photographier les sujets pour eux-mêmes, mais ça n'a pas été tout de suite. Oui. Puis même après, hein, c'était quand même souvent la périphérie, quoi. C'était des climats. Plutôt. Donc dans l'enfance, il y a le fond de la seconde, de la Première Guerre mondiale, pardon. Oui, la Première Guerre mondiale. Alors il y a les deux morts, évidemment, les deux oncles morts, et l'un des deux, celui qui est le plus artiste, Louis. Dont il disait que c'était un père presque mythique ou spirituel. Non, c'est quelqu'un qui lui a vraiment montré ce que c'était que la peinture et le dessin. C'est quelque chose qu'elle a ressenti profondément dans sa chair, qu'il a voulu absolument rencontrer, enfin vraiment se confronter à ça en suivant ensuite les cours d'André Lhote. Mais finalement, c'est pas la peinture qui aura le dessus. C'est une concentration énorme que de regarder. Et moi, c'est la seule chose qui m'a toujours passionné depuis mon enfance. J'ai fait de la peinture quand j'avais... J'ai commencé à 14-15 ans. Vous peignez le dimanche? Oui, et puis j'ai appris tout de même. Et puis ensuite, j'étais chez Lhote. Mais quand j'étais gosse, je n'arrivais pas à dessiner mes mains et mes pieds. Et je me suis dit, je ne serai jamais dessinateur. Et j'avais une passion pour la couleur. Et même quand j'avais déjà fait beaucoup de photos avant la guerre. Et en 43, quand je me suis évadé, mon copain d'évasion... Qu'est-ce que nous allons faire dans la vie plus tard? Et moi, je lui ai répondu, mais je serai peintre. Je n'avais aucune idée que j'allais refaire de la photo. Aucune. La Compagnie des œuvres sur France Culture. Alors, ce qu'il faut dire aussi, Agnès Cyr, c'est que ce n'est pas un très bon élève, Henri Cartier-Bresson, malgré le fait qu'il avait une gouvernante anglaise, que sa mère l'emmenait au concert. Il est plutôt réfractaire, en fait, à cet âge-là. Oui, complètement. Alors, je crois qu'il a passé 3 fois à son bac, il n'a jamais réussi. Mais il a eu de la chance, parce que moi, il m'a souvent raconté ça, qu'il lisait au fond de la classe et que quand le proviseur ou le surveillant général se pointait pour regarder ce que faisaient les élèves, il voyait que ce que lisait Cartier-Bresson, c'était absolument remarquable. Il lisait pas l'équivalent de Spirou ou de comics ou je ne sais quoi. Il lisait Flaubert, il lisait Stendhal, il lisait des livres comme ça. Et à un moment, il n'arrivait tellement pas à suivre les cours que le principal du collège lui a proposé de venir lire dans son bureau. Peut-être qu'il lisait Anatole France, parce qu'il aimait bien citer Anatole France, qui disait « Comme je n'étudiais rien, j'apprenais beaucoup ». Voilà, exactement. Mais ça lui va très très bien. Les petites citations, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il aimait bien faire. Il aimait beaucoup ça, oui. Il disait tout le temps. Et ce qui compte, c'est la façon d'accommoder les œufs aussi. Il disait toujours ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, les choses sont jamais données comme ça. Et c'est ce qu'on en fait, quoi. C'est quoi? C'est comment? Je sais pas pourquoi il disait ça tout le temps. C'était pas très littéraire, hein, mais à côté de. C'est la fameuse citation qui lui restait les collés au basket sur le moment décisif. Celle-là n'est pas restée aussi. non. aussi profondément. C'était un peu long pour en faire un titre de livre comme L'instant ouais. décisif. Ouais, c'est ouais. sûrement pour ça. Alors, à 13-14 ans, donc, il fait ses premières photos avec un petit appareil Kodak. Vous les avez encore, ces photos de famille à la on Fondation ? On en a très peu. On en a quelques-unes. Il n'y en a pas. Je crois qu'il n'y en a pas énormément, mais je pense qu'il y en a quand même une bonne partie qui doit être restée chez sa fille, Mélanie. Mais on en a. Elles sont reproduites dans plusieurs ouvrages rétrospectifs qu'on a fait dans les 15 dernières années. Il y avait pas mal de photos de son enfance, ce qui est assez nouveau, parce que quand il faisait des livres autrefois, il voulait pas du tout de ça. C'était une autre façon de voir les choses. Et c'est vrai qu'il y a, avec l'ouverture de la Fondation en 2003, qu'on a créé avec sa femme et leur fille, est arrivé un flot de documentation, un flot de dates, un flot de repères. Lui, il était complètement fantaisiste avec les dates. Il disait c'est en telle année, puis c'était pas du tout ça. Donc, ou ça, c'est en Yougoslavie, puis c'était en Grèce. Enfin, ça comptait pas. Donc, maintenant, on a des choses beaucoup plus précises et c'est quand même bien. Elles sont intéressantes, ces photos d'enfants, où il prend aussi en photo ses camarades scouts. Enfin, c'est vraiment des choses de la vie quotidienne. Il y en a 10 hein, ou 12. Enfin, il y en a très très peu qui ont été conservées, mais... Bon, je les trouve pas particulièrement intéressantes, sauf que c'est amusant parce que c'est lui qui les a prises. Ouais. Mais on détecte pas un talent. C'est pas comme chez Lartigue. Lartigue a toujours continué à faire des photos comme s'il avait 8 ans ou 12 ans, faire la même chose. Quoi. C'était différent. Ils étaient très amis, mais c'est différent. Et André Lhote, alors, donc, c'est quand même une espèce de révélation, l'intégration de ce cours d'André Lhote. Alors, André Lhote, Henri a toujours dit que André Lhote était un très bon professeur, mais un très mauvais peintre. Ou mauvais peintre, peut-être j'exagère. Et ça, je pense que c'est comme ça qu'il l'a perçu. Moi, je suis incapable de juger la qualité de la peinture d'André Lhote. Ça ne m'a jamais passionné. J'ai vu un livre ou deux. Bon, il était à la fois proche des cubistes et en même temps un peu marqué par l'idée d'un retour à l'ordre. Voilà. Et donc, bon, il trouvait qu'on ne pouvait pas de liberté sans travail. Ça, c'est quelque chose que Henri a retenu. Bon, la fameuse « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre hein, », qui était écrit au-dessus de l'école et qui était le fronton de l'Académie de Platon. Oui. Donc ça a été quelque chose qui a été très très important pour Henri, parce que la géométrie, le compas dans l'œil, c'était très important. Pour moi, la photographie est un moyen de dessiner, n'est-ce pas ? Un moyen de tenir mon journal. Et dans le fond, si il n'y avait pas une exigence de communiquer, de montrer aux autres ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, enfin de témoigner sur notre monde, sur notre époque, n'est-ce pas ? Mais je m'amuserais tout autant si je n'avais pas de film dans l'appareil. Pour moi, la grande jouissance, c'est d'être devant un sujet hop, qui s'impose à moi, hop, n'est-ce pas ? Et puis d'avoir appuyé au bon moment. Quel est le bon moment, justement, pour vous ? C'est un lien entre le sujet qu'on sent intuitivement et une composition rigoureuse, enfin une géométrie qui vous surprend. Et ça, c'est une fraction de seconde, et c'est le seul moment de création. Nous avons la possibilité dans notre métier d'aller dans pas mal d'endroits, de comparer des pays, de comparer, non pas avec le nôtre ou avec soi-même, ce qui est tout de même la chose fausse, c'est de comparer un pays avec lui-même. Où en est-il ? Où était-il il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, etc. Et où va-t-il ? C'est le pourquoi qui est intéressant. C'est de saisir les choses à la charnière. Il faut se débarbouiller de toutes ces idées préconçues, tous les clichés, puis en face de la réalité, tout de même, c'est elle qui a le dernier mot. Mais enfin, se débarbouiller des idées préconçues, c'est bien joli. Mais devant la réalité, c'est-à-dire qu'il faut s'oublier soi-même. Ah, il faut laisser le sujet vous imprégner. André Lhote, Agnès Cyr, qu'il contracte le virus de la géométrie, il évoquait comme ça dans cette archive bien plus tardive, évidemment. Oui, c'est une très belle citation où il dit une chose et son contraire, parce que quand il dit qu'il faut laisser le sujet vous imprégner, Moi, je pense que ça, c'est ce qu'il y a de moins intéressant dans la photographie. Ce qui est intéressant, c'est qu'au contraire, quand on lui donne une forme et que on le tient et qu'on est soi-même. Mais il commence sa phrase en disant que la photographie est un moyen, donc c'est quand même pas très brillant. Il dirait pas ça de la littérature, ni de Paolo Uccello, qu'il allait voir dès qu'il pouvait au Louvre en face de chez lui. C'est impossible de dire ça. Donc c'est juste en ce qui le concerne, surtout en ce qui concerne, je sais pas de quand date cette citation, mais c'est sûrement après Magnum, puisqu'il parle du reportage, il parle dans notre métier, etc. Donc c'est années 60 peut-être. Il n'aurait pas dit ça avant, parce que avant, jusqu'à ce qu'il soit fait prisonnier pendant la guerre, ses fréquentations, c'était Crevel, Jacques-Émile Blanche, Breton. Il n'aurait pas parlé de métier, il n'aurait pas parlé de reportage. C'est pour ça qu'il y a effectivement une grosse différence. Mais je peux comprendre que quand on a passé 3 ans prisonnier, qu'on se demande ce qu'on va faire, etc., finalement, il faut un peu d'engagement. Et c'est ce qu'il a toujours fait après, quand il est devenu reporter. Il était quand même engagé. Oui, parce que la période de la guerre, pour revenir à votre question. La période de la guerre, on va le voir, c'est un moment de bascule aussi dans sa photographie. Ouais. Mais avant, à quel moment est-ce qu'il quitte André Lhote, et est-ce que c'est à ce moment-là qu'il se dit bon, finalement la peinture c'est pas pour moi, ou est-ce qu'il se dit je vais faire un détour par la photographie et je reviendrai à la peinture plus tard, comme finalement il le fera? Je pense qu'il s'est jamais dit ça. Je pense qu'il s'est jamais dit je vais passer à la photographie, je reviendrai à la peinture plus tard. Je ne sais plus combien de temps il est resté chez André Lhote, peut-être 1 an ou 2. Il est allé ensuite en Angleterre, passer 1 an en Angleterre. On a 1 ou 2 toiles qu'il a faites en Angleterre. C'est pas brillant. Ouais. C'est pas. Et puis il revient pour aller faire son service militaire en France. Et c'est là qu'il fait des rencontres fantastiques qui ont changé son monde. C'est là qu'il rencontre les Powell, qu'il rencontre Julien Lévy. Alors là, on est en 29, si ma mémoire est bonne, fin 28, 29. Et les Powell, c'était des gens qui étaient des photographes amateurs, riches, qui habitaient vers Ermenonville. Ils rencontrent Max Ernst aussi avec eux. Et Julien Lévy, qui deviendra son premier galeriste aux États-Unis et qu'il exposera en 1933. Donc c'est là que le tournant vers la photo se fait. Par le truchement de ces personnes-là? Ces personnes-là, c'est toute sorte de mouvance. Hein. Il avait déjà rencontré Crevel, André Breton, tous ces gens-là. Donc il évoluait dans des milieux artistiques et pas dans des milieux de tâcherons qui travaillaient pour des journaux. Il n'avait pas non plus l'idée que les quelques photos qu'il faisait à ce moment-là seraient probablement les photographies dont on se rappelle, enfin qui sont les plus importantes dans sa carrière. C'est lesquelles, par exemple? Je sais pas, on cite tout le temps la gare Saint-Lazare, l'homme qui saute au-dessus d'une flaque, ou toutes ces photos qu'il fait en Italie et en Espagne, où il y a des gens endormis à des coins de rue, où il y a toujours des relations entre ce qui se passe sur les murs, ce qui se passe dans la rue. Il n'y a pas un sujet, il n'y a pas de démonstration de quoi que ce soit. C'est juste des moments, et très souvent, il y en a une ou il y en a deux, il n'y en a pas plus. Hein. Il n'a pas tourné autour du sujet, comme sans doute on est un peu obligé de le faire quand on fait un reportage, parce qu'on a une commande et puis il faut assurer. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'à ce moment-là, il s'est dit, bon, peut-être que la peinture, finalement, je ne suis pas l'artiste que j'aimerais être, je vais faire de l'art par un autre moyen, avec la photographie. Alors encore une fois, je ne sais pas si c'est très conscient, j'en ai assez souvent parlé avec lui, mais il dit non, je ne me rappelle pas les choses comme ça. Bon, il est tombé amoureux de la Madame Powell, là, et qui était mariée, donc... tous les deux faisaient de la photo, et finalement, sur ce chagrin d'amour, il se dit, je pars en Afrique. Et en Afrique, comme il avait appris ça quand il était petit, il a un peu survécu en chassant, puisque bon, c'était une famille où on chassait. Hein. On peut voir ça aussi si on parle de Renoir, de la règle du jeu. Enfin, c'était un milieu où ça se faisait. Après, il a détesté ça, évidemment. Et il a fait un tout petit peu de photos, et tout ça était très pourri, et je crois qu'il en a gardé 10 ou 12. Mais il est quand même revenu avec l'idée que la photographie, c'était intéressant, et il s'est acheté un Leica, et c'est devenu un outil qui le quittera plus de toute sa vie. C'est-à-dire un petit appareil invisible, qui est quelque chose... qui lui permet de danser. Enfin, c'était un danseur quand il faisait ses photos. Donc il pouvait danser avec cet appareil que personne ne voyait, et voilà. Est-ce que la découverte aussi des photos d'Adjé, justement, à ce moment-là de sa vie, peut-être grâce à Gretchen et Peter Powell d'ailleurs, l'a influencé et lui a donné peut-être l'idée qu'on pouvait faire vraiment de la photo très intéressante? Oui, je pense qu'il a été extrêmement impressionné par Adjé. Il en parlait beaucoup, même à une époque où l'œuvre d'Adjé était quelquefois un peu méprisé parce qu'on pensait que c'était quelqu'un qui faisait de la documentation pour les peintres. Bon, ça a été quand même, après beaucoup travaillé, le Metropolitan à New York a fait un travail exceptionnel sur l'œuvre d'Adjé, mais c'est quelqu'un dont il parlait beaucoup, et d'ailleurs on prépare une expo Adjé Cartier-Bresson pour la rentrée, donc ça, on voilà. va pouvoir le un confirmer. Très bon teaser. Moi, j'ai une passion pour une seule sorte de photographie, c'est celle prise sur le vif. Je suis passionné par la prise de vue subite où le fond et la forme sont tout à fait étroitement liés. Est-ce que vous comptez sur le hasard au moment où vous prenez le faux photo? Ah, mais absolument, absolument. Il y a un très très beau texte de Breton sur le hasard objectif qui est une définition de la photographie telle que je la conçois. Et ça, pour moi, l'appareil de photographie est l'instrument idéal pour saisir le hasard objectif tel qu'il est défini par Breton. On s'oublie soi-même, n'est-ce pas? C'est une volonté, c'est être présent. Je suis extrêmement nerveux et ça me rend le plus grand service en photographie. Il faut décider immédiatement. La chose vous est donnée, la photographie se précipite sur vous, il faut l'avoir prise. On ne peut pas la retoucher. Ce sont des règles que je me suis imposées à moi-même, ce ne sont pas des règles générales. Pour moi, le cadrage, la joie est d'avoir un cadrage, n'est-ce pas, harmonieux. Et je ne peux pas retoucher, recouper, jamais je ne le fais. Si la photographie est mauvaise, elle est mauvaise. Ce n'est pas au laboratoire que je l'arrangerai. La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange. Alors Agnès Cyr, il y a une photo qui n'est pas une photo de Cartier-Bresson, qui est une photo d'un photographe hongrois. Kekchi. Ouais. Et ça, c'est aussi un déclic pour lui. Est-ce que vous pouvez essayer de nous la décrire et de nous dire pourquoi c'est une photo qui va lui donner envie de faire de la photo, qui va lui faire croire en la photo artistique? Eh bien, tout simplement parce que cette photographie est la preuve visuelle de ce qu'il vient de raconter là, dans la dernière citation. C'est-à-dire, c'est un groupe d'enfants noirs ou d'adolescents noirs qui courent nus vers la mer. Il y a un dynamisme absolument incroyable dans cette image. Effectivement, le photographe Mukherjee a pris cette photo immédiatement. Mukherjee n'est pas un photographe que Henri appréciait tellement. Il a accepté d'écrire, je crois, un petit texte dans un des bouquins de Mukherjee que la fille lui avait demandé. Mais cette photographie est toujours restée quelque chose pour lui qui était la vie, qui était ce que la photographie pouvait être de mieux. Et il a d'ailleurs lui-même toujours dit, on fait de la peinture, on prend des photos. Et le fait qu'on fait de la peinture, c'était quelque chose de quand même de supérieur. C'est-à-dire, il fallait tout imaginer. On prend des photos. Et pour lui, c'était une bonne photographie uniquement quand la photographie rassemblait tous ces éléments. C'est-à-dire la sensualité, la jouissance de la vie, le bon moment et la géométrie, évidemment. Et ça, ça le définit aussi, tout ce que vous venez de dire, parce que dans cette photo des trois adolescents, il y a l'idée de la liberté, l'idée de la... Ils sont en train de courir, il y a un truc très joyeux. Mmh. Est-ce que c'est ça qu'ils recherchaient ? Je pense qu'ils parlaient très souvent de la joie. Je suis pas sûre qu'il était toujours très joyeux, peut-être plus à la fin de sa vie, quand il était un peu bouddhiste. Mais oui, je pense que ça a pu être une projection de lui-même. Mais l'élan qu'il pouvait avoir, lui, c'était plus la photo de la gare Saint-Lazare. C'est-à-dire que c'est un miracle, cette photo. C'est d'ailleurs une des rares qu'il a recadrée, hein. Il vient de dire le contraire. Mais et cette photographie d'un homme qui saute au-dessus d'une flaque d'eau et qui a sur le mur du fond une affiche avec un homme qui fait exactement le même mouvement, qui saute comme ça. C'est un danseur de l'époque. C'est un hasard absolument incroyable, d'autant que cette scène apparaît derrière une palissade, et que donc il met son objectif contre la palissade, et que finalement, le résultat final, il l'a pas choisi cette photo avant 1946, alors qu'il la prend en 1932, parce qu'il y avait un grand bout de palissade noire qui barrait le champ. Donc en fait, un jour, quand il a fait ses choix du scrapbook pour l'exposition du MoMA de 1946, il se dit, mais cette photo, si je la recadre, elle est absolument exceptionnelle. Donc, et c'est une photo, voilà, le Centre Pompidou ouvre à Metz avec une expo attention chef-d'œuvre, en photo, il y a cette photo. c'est quelque chose... Donc c'est un peu plus distancé que Munkakshi, par exemple. C'est ça, ce que je veux dire. Un peu plus surréaliste aussi, c'est une photo surréaliste. Celle-ci... Je dirais pas tellement ça, non. Ça pourrait être un rêve, comme ça, de marcher sur l'eau. Oui, bien sûr. De courir sur l'eau. Elle va très bien avec les photos de cette période, mais c'est vrai qu'il y a des photos un peu plus folles en Italie ou en Espagne, surtout des points de vue assez fous. Soit des gros plans sur des gens, soit des plans, au contraire, très éloignés, avec des bascules qui sont vraiment intéressantes. Comment ça se passe, la professionnalisation de Cartier-Bresson, qui va devenir, au fur et à mesure, vraiment un photographe professionnel ? Ça se passe en deux étapes, ou trois. Il y a l'étape avant-guerre, où là, il va... c'est quelqu'un, à l'époque, hein, comme il disait, bien sûr, naturellement, nous étions tous communistes. Et lui, il a toujours voté communiste jusqu'en 56. Hein, ça se faisait pas dans sa famille, mais il s'en foutait. Et d'ailleurs, il y a son la côté fameuse... anarchiste aussi, oui, enfin, anarcho-communiste. Ouais, mais c'est vrai que même il signait Cartier à ce moment-là, justement, dans la période dont on parle là, où il travaillait un peu pour Lucien Vogel, à Vue et ses magazines d'obédience communiste. Il signait Cartier parce que Cartier-Bresson, ça évoquait les grands industriels et c'était pas bon, ça. C'était un peu le renégat dans ces cas-là. Donc il travaille un petit peu pour cette presse, pour Aragon, pour Vogel. Parce qu'il a quand même voyagé entre-temps. Il a passé un an au Mexique, un an en Afrique, etc. Là, on parle de 36. 34, 35, 36, oui, voilà. Et là, les travaux pour ces magazines-là, c'est plutôt 36, 38, époque également... pendant laquelle il est l'assistant de Jean Renoir sur trois films. Alors, parce qu'il faut dire qu'il y a une période new-yorkaise aussi dans ces années 30. En fait, il est tout le temps par Mons et par Vaux. Il y a presque envie de fuir en permanence. Bon, je ne sais pas si c'est une fuite, mais c'est vrai que Julien Lévy donc, l'expose en 1933. C'est quand même... Donc à New York. Hein. À New York, dans sa galerie. C'est la première exposition. Non, il y avait déjà eu... Manet, je crois, justement. Et Adjé. Mais donc il a cette exposition en 33, il revient et puis il repart une année au Mexique 34-35. À la fin de cette année au Mexique, où il part pour soi-disant une mission d'une transamazonienne, suivre le chantier d'une route et tout, il se fait dépouiller de son argent et le projet n'a pas lieu. Donc finalement, il reste à Mexico parce qu'il aime trop cette ville. Il y reste pas loin d'un an. Et là, pareil, il va fréquenter les surréalistes, Manuel Álvarez Bravo, des peintres, enfin des gens des milieux un peu underground, si on peut dire. Et de là, il a une exposition, il rencontre Álvarez Bravo, il a une exposition avec lui au Palais des Beaux-Arts. De là, il part à New York, on est en 35. Il part à New York où il a une nouvelle expo chez Julien Lévy avec Walker Evans et Álvarez Bravo, qui sont des relations très importantes pour lui, sur le titre Antigraphique Photographie. Et quand il est là, c'est après le Mexique, après tout ça, il se gratte un peu la tête et il dit « Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ?» Et il rencontre Paul Strand qui lui apprend un peu le cinéma chez Nikino. Ouais. Et... finalement, il se dit, tiens, peut-être que je pourrais faire du cinéma. Et alors, il est second assistant de Renoir. Il arrête la photographie quasiment à ce moment-là pour faire vraiment du cinéma. Oui, parce qu'il fait les photos de... Quand il tourne à Règle du jeu, je crois que c'est en même temps que les premiers congés payés, enfin, ou pas les premiers, mais les deuxièmes qu'il a beaucoup photographié. La fameuse photo du pique-nique au bord de la Marne, des gens de dos en train de pique-niquer, on dirait un plan de Renoir. C'est tout à fait... Et puis, alors, il y a des films qu'il fait lui-même, comme le documentaire sur les hôpitaux de l'Espagne républicaine. Victoire de la vie, 1937. Ouais. Et puis aussi, un peu plus tard, il y aura le retour des prisonniers ça, c'est plus tard, et des déportés. 44, On n'a pas dit qu'en 1937, il se marie avec quelqu'un qui s'appelle Ratna Mohini, une danseuse javanaise. C'est important, ça. Oui, je pense que ça a été important parce que ça l'a emmené aussi dans un grand voyage qu'il va faire après avec elle, quand il part justement en Asie, après avoir créé Magnum en 47-48, ils partent tous les deux en Asie pendant 2 ans et demi. Et elle a beaucoup de contacts, et c'est comme ça qu'il part. Il part sur ses contacts à elle au départ. Il n'est pas envoyé par Life pour faire la Chine qu'on vient d'exposer. Ça, c'est par hasard. Dont on a parlé dans une émission qu'on peut retrouver d'ailleurs en podcast. Ça, c'est par hasard. C'est en fait, il est là-bas, donc Life, il est déjà un grand artiste. Il a une expo au MoMA, etc. Et Life, apprenant qu'il est là-bas, lui propose de partir en Chine. Donc ça, elle a été très importante. Bon, moi, je ne l'ai jamais connue, mais c'est un mariage qui, finalement, n'a pas tellement tenu. Il a tenu sur la durée, c'est-à-dire qu'il ne divorce que finalement en 1970, oui. Mais ils sont séparés depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Ouais. Et il épouse Martine Frank, donc avec qui... Là, il le disait, il n'était pas timide. Il disait qu'il était très, très, très heureux avec elle. Est-ce que toi, dans ton journal de bord à toi, dans ton journal intime dont tu ne veux pas parler, est-ce que tu as le souvenir, est-ce que tu as la mémoire des photos que tu n'as pas prises ? Oh, mais des quantités, alors ça. D'abord, toute la captivité. Ce sont des impressions qui n'ont pas bougé. Oui, mais en même temps, c'est... Je me suis évadé avec Claude Lefranc, et on a réussi, mais avant, je me suis évadé avec Alain. Alain Douarinou, qui était un opérateur de films d'avant-guerre. On était ensemble dans les fermes. Et... pas de photos, mais je me souviens d'une fois, on avait un cafard, on préparait notre évasion, puis je ne sais pas, on a été repris ensuite parce que en mai il y a eu de la neige, on s'est fait poisser, mais comme ça a gratté la terre, c'est dans le fond d'une cuvette, et on avait le cafard, et Alain m'a dit, regarde, de l'autre côté de la colline, là, imagine qu'il y a la mer, et ça a complètement changé notre point de vue. De se dire, il y a la mer qui est juste là de l'autre côté. Et lui était fils de capitaine au long cours. Mais j'ai appris beaucoup par la captivité. J'ai fait 30 métiers différents, 30 commandos différents, enfin, bourrer les traverses de chemin de fer et de trucs comme ça. Et il y avait une qualité humaine extraordinaire, c'était les évadés. Quand on était repris, on allait dans la baraque des évadés. Et les évadés, alors tout de suite, les gars vous disaient, tu as été à tel endroit, est-ce qu'il y a des sentinelles, qu'est-ce qui se passe, etc. Et ils vous donnaient les petites rations qu'ils avaient mis de côté. Une solidarité, c'est fantastique. Entretien avec Vera Feder en 1991. Qu'est-ce que vous en retenez, Agnès Cyr ? J'en retiens que c'est certainement, tout ça est certainement très juste et que quand on posait la question à Henri Cartier-Bresson de savoir de quelle nationalité il était, il disait évadé. C'était sa réponse à chaque fois. Moi, je suis un évadé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bah, il disait aussi tout le temps qu'il aimait prendre la poudre d'escampette. C'était une expression, je l'entends encore dans mon oreille. Évadé, en l'occurrence, bon, c'était pas drôle parce qu'il a essayé 3 fois. Ils ont dû un peu en baver dans la neige, en tout ça. Donc ça nécessite une bonne volonté, une bonne détermination, mais aussi cet esprit de désobéissance, cet esprit un peu anarchiste, et puis quelque part aussi un esprit que, bon, bah, il y a une direction vers laquelle il faut aller. Il se serait pas évadé pour aller vers l'extrême droite, non. Ça, c'est clair. Il s'est évadé pour être résistant. Voilà. Ouais. Et c'est ça qu'il devient, alors, dans quelles conditions ? Alors, Avant la guerre, sentant les choses arriver, il avait découpé tous les négatifs qui existaient et il les avait mis dans une boîte et il les avait planqués. Et puis il avait enterré son Leica quelque part. Mais il n'avait pas été idiot. Ce qui prédominait dans cette idée, c'est que si jamais il mourait pendant la guerre, il voulait pas que des mauvaises photos de lui restent en circulation. Comme un écrivain qui jette ses manuscrits. C'est une obsession, alors. Donc c'est pour ça que toutes ces photos jusqu'à la création de Magnum, il n'y a pas des séries entières, il y a juste ce qu'il a conservé. On appelle ça les isolés, les photos isolées. Donc à la fin de la guerre, évidemment, il est allé les récupérer, il est allé déterrer l'appareil, etc., etc. Donc quand il s'évade, il se cache, évidemment. Il n'a pas le droit d'être là. Il va dans une ferme à Loche, c'est ça ? Il va dans une ferme et puis surtout, il entend dire qu'il y a un éditeur qui serait intéressé à ce qu'il fasse des portraits d'écrivains et de peintres, comme ça l'a toujours beaucoup intéressé. Il commence toute une série de portraits. On a d'ailleurs un petit agenda merveilleux où il va de chez Bonnard à chez Matisse et vice-versa, puis il note le prix du billet, tout ça en zone libre, évidemment. Et il fait énormément de portraits qui sont absolument magnifiques. Picasso aussi, ouais. Et Braque. Et le livre n'est jamais publié. Mais bon, les portraits existent et il fait ça. Pendant ce temps-là, le MoMA, pensant qu'il était mort pendant la guerre, décide de faire une rétrospective de son travail. Comme il a eu déjà deux expos à New York et que Julien Lévy avait vendu un peu des photos, ils ont dit on va rassembler tout ce qui existe. Et puis son copain David Seymour, avec qui il va créer Magnum ainsi que Robert Capa, mais il avait connu Chim à Montparnasse dans les années 30, et a un laboratoire de tirage à New York à l'époque, et lui dit « Mais tu sais, ils sont en train de préparer une expo de ton travail. » Et comme il se cachait, c'était impossible de le trouver. Et finalement, il l'apprend alors qu'il est en train de mettre en application ce qu'il avait appris avec Paul Strand et de tourner le film Le Retour, donc, sur l'ouverture des camps. Donc c'est comme ça qu'il va faire cet objet incroyable qui est le scrapbook qu'on a donc édité, où il va tirer 350, lui-même, il n'est pas très bon tireur, 350 images, pour les apporter au musée d'art moderne de New York et faire le choix avec eux de ce qu'il allait garder. Du coup, sa reconnaissance, elle est beaucoup passée par les États-Unis. Ouais. Ah, il dit toujours, les Américains m'ont fait. Alors toujours. Pourtant, il était quand même assez critique. Ouais. Le pauvre, il n'a pas connu Trump, mais si jamais il l'avait connu, il écrirait des... Il serait été capable de bomber des choses sur un mur. Même la ville de New York, on ne sait pas tellement s'il l'aimait. Quand il la prenait en photo, ouais. C'était toujours de l'autre côté de l'Hudson, avec devant quelque chose en train de brûler pour essayer de montrer que c'était aussi une société en train de partir en cendres. Enfin, en tout cas, ouais, c'est comme ça qu'on peut l'interpréter. Capitalisme, tout ça. Mais en même temps, il a toujours été très honnête là-dessus. Ça, c'est une phrase qu'il a dite je ne sais combien de fois. Les Américains m'ont fait. Ça, il a eu sa première expo au Louvre, à Paris, donc premier photographe à exposer au Louvre, je ne sais plus quand c'était, je crois 53 ou 4, après en avoir eu 3 aux États-Unis quand même. C'était le Louvre, ce qui est quand même pas mal aussi. Pour lui, oui, c'est très très bien. Il habitait en face d'ailleurs. À l'époque, pas encore, mais depuis après, oui. Alors les États-Unis, c'est aussi prendre la voiture et puis partir. Alors la première fois avec Truman Capote, l'écrivain. Alors justement, c'est à l'occasion de son exposition au musée d'art moderne qui est prévue en 1946. Il arrive avec son scrapbook et finalement l'exposition est reportée à 1947. Alors a lieu en 1947 en même temps que la création de Magnum. Et finalement, il avait quand même un immense intérêt pour le livre de Walker Evans, American Photograph, qui avait été publié, je crois, en 1938. Et ça le chatouille, ce type qui fait un livre avec des photos d'une Amérique différente. Et puis la correspondance texte d'un écrivain et photo d'un artiste. Ah non, pas celui-là. Ah. American Photograph, c'est que Walker Evans. Effectivement, il y en a un autre sur les fermiers, la pauvreté, etc. Et il se dit, puisque j'ai plein de temps pour pas occuper puisque l'expo est reportée, je vais partir sur les routes et je vais m'arranger pour ne surtout pas avoir de commandes. Et il s'arrange très très bien au fond parce qu'il obtient des commandes de Harper's Bazaar pour faire des portraits des écrivains qu'il rencontrait. Mais tout le reste était libre. Donc c'était idéal. Il adorait lire, il adorait les écrivains. Il va rencontrer Faulkner, Carson McCullers, tous ces gens-là, c'est la même année. Et le reste, tout sur la route, il le fait par son propre flair, son propre désir. Et ça, c'est formidable. Et il voyage avec le livre d'Evans à l'arrière. En tous les cas, avec Truman Capote, ça se passe bien, mais enfin sans plus. Apparemment, l'écrivain lui a envie de rentrer assez tôt. Il l'appelait la libellule frénétique. Ouais. Bon, il y a quand même une photo absolument magnifique. Une des rares où il est beau, Truman Capote. Ouais, il y en a quelques-unes quand même. Quelques-unes, ah oui, là, il fait super beau, là, sur cette photo. Et puis ensuite, donc, il est remplacé, Truman Capote, par John Malcolm Brennan. Bon, oui, ça aussi, se passe moins bien. C'est pareil, hein, un voyage un peu compliqué. Il l'a écrit, Brennan, hein, il a fait des récits. Il y avait aussi son épouse, Ratna, qui était avec lui. C'était un peu compliqué, d'ailleurs, on le voit, hein, elle ne pouvait pas entrer dans les restaurants, parce qu'elle était colotte. Et elle, ça la gênait pas trop, mais Henri, ça le rendait fou. Ouais. Alors après, à partir de 48, il va s'installer beaucoup en Asie. Hein, oui, jusqu'en 51. Inde, Birmanie, Chine, Indonésie. Oui, oui. Alors en Inde, il y a le fameux reportage à la mort de Gandhi. Mais c'est la même chose, en fait. C'est une histoire de... Comment dire, de la façon d'aborder les gens. Avec Gandhi, bon, effectivement, il a une commande, on lui propose, comme Magnum est créé, hein, en 47, donc là, c'est juste l'année d'après. Il s'intéresse à la décolonisation, quand même, et on lui demande, je ne sais plus si c'est Life ou Time, enfin bon, un journal lui demande d'aller faire le portrait de Gandhi. Mais lui, il ne va pas toquer à la porte, faire le portrait comme ça. Il a rendez-vous pour faire le portrait, disons, un jeudi, et le mercredi matin, il va avec son catalogue du MoMA, voir Gandhi pour lui montrer ce qu'il fait. Ils disent, voilà qui je suis, je sais qui vous êtes, mais moi je suis ça. Et Gandhi tourne les pages du catalogue et tombe sur la photo de Mauriac qui passe devant un corbillard. Et Gandhi est assez estomaqué par cette photo qui a un côté très morbide, effectivement, mais lui, il est indien, il connaît pas tellement ni Mauriac. Et Henri lui dit, c'est un grand écrivain chrétien, et derrière, voilà, c'est la voiture pour transporter les morts, quoi. Et donc Gandhi dit, en voyant la photo avant qu'Henri ne dise ça, la mort, la mort, la mort. C'est les mots qu'ils échangent. Et le lendemain, il est assassiné. Mmh. Il n'a pas fait le portrait, il a photographié les obsèques. Et avec une photo aussi très belle. Oui, oui, bien sûr. Et un peu surréaliste pour le coup. Oui. Mais vous savez, il n'a pas du tout commencé comme photoreporteur. En fait, il était lié aux surréalistes. En fait, il a commencé sa vie comme peintre. Il a travaillé avec... André Lhote, et il a commencé à voyager avec André Pialmandiar, à faire des photos. Et puis la guerre est arrivée, il était prisonnier de guerre, et au fond, après la guerre, il s'est rendu compte, évidemment, c'était l'âge d'or du photoreportage, parce que personne n'avait voyagé pendant 4 ans, personne ne savait comment était le reste du monde. Et il est parti parce qu'il était intéressé par l'Inde, parce que sa première femme était javanaise. Donc il a photographié la libération de l'Indonésie, enfin l'indépendance de l'Indonésie, la mort de Gandhi. Il était vraiment au bon endroit, au bon moment. Des heures, nous parlons d'Henri Cartier-Bresson avec vous, Agnès Cyr. Vous avez reconnu évidemment Martine Franck, la deuxième épouse de Cartier-Bresson à partir des années 70. Mais il faut revenir sur d'abord les années 50-60 parce qu'il y a encore des voyages, mais cette fois c'est moins en Asie, quoi qu'il va y avoir un voyage au Japon, mais c'est plutôt Cuba, le Mexique et puis l'Amérique du Nord de nouveau. Alors, le Mexique avec l'Inde étaient les deux pays de cœur de Cartier-Bresson. C'était, il le répétait sans cesse, c'est les deux pays où il aurait pu vivre, où il est resté longtemps. Qu'est-ce qu'il aimait dans ces pays-là? Je sais pas, le grouillement, la rue, le fait de le côté on fait partie de la terre. Bon, il racontait toujours ces anecdotes à propos de son premier voyage, son premier séjour, parce qu'il est resté presque un an en 1934-35, où il vivait dans les rues où habitaient les prostituées la nuit, où travaillaient les prostituées la nuit, et où un jour, il y avait les fabricants de cercueils. Et il a photographié les deux, les prostituées et les cercueils. Et donc ça, c'est très c'est breton, bataille, tout ça. Enfin, c'est complètement là-dedans. Hein. Il avait bien ça en tête. Et quand il y retourne, c'est un voyage où il est aussi assez libre. Il y retourne dans les années 60. Je dois dire que c'est quand même moins intéressant que les photos des années 30 où il est totalement libre. Mais bon, c'est un autre aspect du Mexique qui est aussi, comme tous les pays, hein, s'organise, devient un peu plus capitaliste, etc. Mais je pense que ce qui relie l'Inde et le Mexique, c'est ce sentiment du sang, de la sueur, de la terre. Enfin, il y a quelque chose là-dedans avec quoi il adhère vraiment. Et pourquoi se sentait-il moins libre lors de ce second voyage? Ben, je pense qu'il est déjà passé par le journalisme, mais ça, c'est assez mauvais. Enfin, pour moi, c'est assez mauvais. Ça l'a stérilisé? peux pas dire ça parce qu'il y a quand même des choses, il y a quand même des images qui évitent tout ça, mais ça vous donne quand même un format. Hein. C'est bon, il y a une anecdote qui est extraordinaire quand il fait en 52 ce magnifique livre qui s'appelle Images à la sauvette. Bon, on va peut-être en parler après, qui s'appellera Decisive Moment en anglais, ce qui est une grosse erreur. Le moment pour, décisif. Donc. Pour Images à la sauvette. À un moment, à la fin, on lui a demandé de faire un texte. Il était incapable de l'écrire lui-même, donc c'est un interview, c'est des propos rapportés. Et il dit, à un moment, quand on a une commande et qu'on fait des photographies pour cette commande, il faut toujours penser à sa double page. Ce qui est une aberration totale, surtout quand on le connaît. Et quand il a vu ça, qu'il a vu qu'il avait écrit ça, ou voilà, il s'est dit c'est une bourde totale. Et dans tous les exemplaires qu'il est dédicacé, il barrait. Et il mettait « ne surtout jamais penser à la double page ». Est-ce que ça va jouer dans le fait que, justement, au moment de son mariage, en 1970, il va annoncer qu'il arrête la photographie pour se concentrer sur la peinture ? Je pense que le fait que le journalisme l'a grignoté, ça c'est clair, mais c'est déjà avant, hein, c'est déjà 67-68, il y a des échanges avec d'autres photographes de correspondance et de lettres, bon, évidemment qu'on a plus mis au jour quand la fondation s'est créée, où déjà il dit, bon, il a déjà 60 ans aussi, hein, c'est pas vieux, mais... Il prend sa retraite de photojournaliste ? Ouais, bon, il a jamais aimé le mot de photojournaliste. C'est pour lui, c'était journaliste au sens du journal intime, d'accord, mais pas autrement, pas de rapporter des faits. Il dit qu'on n'est jamais aussi mauvais que quand on essaie de documenter. Ça, c'est une phrase de lui. Je pense qu'il a totalement raison. Et que c'est vrai que finalement, son œuvre, à la fin, c'est une combinaison des deux. C'est-à-dire, il n'aurait certainement pas pu rester le brillant surréaliste photographe des années 30, parce que ça s'épuise, il fallait qu'il aille se nourrir. On le lui nourrir. Avait conseillé, d'ailleurs. Oui, c'était c'est Capa qui lui avait dit, conseillé d'arrêter d'être surréaliste. Garde ça dans ton cœur et fais le journaliste dehors. Mais c'est vrai qu'à Magnum, moi j'ai travaillé 20 ans à Magnum, il était l'empêcheur de tourner en rond sans arrêt, il protestait, dès qu'il y avait de la pub, des trucs, il râlait, enfin c'était... Il était très présent, hein. Même s'il avait officiellement quitté Magnum à la fin des années 60, ça n'a rien à voir avec son mariage, d'ailleurs, parce que Martine est rentrée à Magnum à ce moment-là. Donc, elle était photographe elle-même. Ouais. Hein. Et du coup, ça n'avait rien à voir avec ça. Ça avait beaucoup à voir avec ce que vous disiez un peu plus tôt, c'est qu'il a vu les limites de cet exercice. Et que surtout, il disait toujours, faites attention, parce que la partie gauche du cerveau, c'est très bien ce que fait la partie droite. Donc, vous allez vous faire bouffer par tout ça. Que vous fassiez de la pub ou du journalisme, ça va vous modifier. Quoi. Oui, mais ça, c'est toujours aussi le problème des commanditaires. Ah bah oui. Pas toujours facile de passer outre. Alors, il revient à la peinture, et là... On n'a pas le sentiment, mais vous allez peut-être nous dire le contraire, qu'il ait fait la grande œuvre de peinture qu'il c'est voulait le dessin faire. Surtout. C'est le dessin. Il revient surtout au dessin. Il fait très très peu de peinture après. Un petit peu, mais peu. Et le dessin, comme il le dit, c'est une méditation. Hein. C'est un moment de calme, et ça on peut comprendre. Moi je me souviens, je l'ai connu à ce moment-là, il allait beaucoup photographier les squelettes au Muséum d'Histoire Naturelle. Et je lui disais, mais pourquoi tu vas dessiner ces squelettes ? J'ai dit photographier, mais dessiner ces squelettes. Et il me disait, parce que ça bouge pas. Mmh. Et le gars qui a arrêté toute sa vie des choses en mouvement, qui rêve devant Munkakshi, devant la photo de la gare Saint-Lazare, etc., ce qu'il dessinait, c'est des os immobiles. Et effectivement, là-dedans, qu'est-ce qui est intéressant ? C'est les formes et la géométrie. Mmh. Donc, et il a beaucoup dessiné les pieds. Comme il disait, enfant, j'y arrive pas. À faire, ouais. Ouais. Et il m'a toujours dit, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire, les pieds. Donc il photographie. Bon, il avait une grande estime pour son ami Giacometti et pour le Paris sans fin. Mm-hmm. Et il a essayé finalement de se mettre dans les pas de Giacometti à ce moment-là. Et puis il meurt le 3 août 2004 dans sa maison du Luberon. Il est enterré de façon très discrète. D'ailleurs, c'est le lendemain seulement qu'on apprendra dans la presse la mort d'Henri Cartier-Bresson. Merci beaucoup Agnès Cyr. La fondation Cartier-Bresson, 79 rue des Archives dans le 3e arrondissement, attend tous les visiteurs qui souhaitent y passer. Et puis je signale aussi que la bio de Cartier-Bresson de Pierre Assouline, mais je l'ai déjà dit, est publiée chez Gallimard dans la collection Folio. Tout de suite, c'est le moment d'En compagnie des revues. La compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. compagnie des revues proposées aujourd'hui par vous, Marin de Viry, de la revue des Deux Mondes. Bonjour Marin. Au sommaire de votre revue, il y a d'abord un grand entretien entre Marc Weitzman et Ayan Kershaw. Oui, absolument. L'auteur de L'Europe en enfer, 1914-1949, puis ensuite de L'âge global, où il part du post-nazisme jusqu'à nos jours, qui est une histoire des mentalités, une histoire politique. Donc c'est un grand entretien que fait Marc Weitzman avec Ayan Kershaw, et qui a une tonalité raisonnablement optimiste, au fond, parce que le dernier développement sur le populisme aboutit à la conclusion qu'au fond le populisme a à peu près intégré les règles démocratiques, contrairement à la situation dans laquelle il était dans les années 30, pour des raisons dont il s'explique évidemment dans les détails. Alors ça, c'était un grand entretien qui ouvre la revue, qui est consacré cette fois-ci à l'enfant. Mm-hmm. C'est d'ailleurs une photo d'un enfant, d'une enfant très célèbre. Alors d'une enfant qui commence à devenir une jeune femme, puisqu'elle a 17 ans maintenant, et donc c'est Greta Thunberg qui est là avec une belle photo, avec des yeux très, comment dirais-je, mystérieux et un sourire à la Joconde. Et donc tout ce numéro s'interroge sur le statut contemporain mais aussi l'histoire de l'enfant. Alors Valérie Thoragnan a d'abord fait un entretien avec le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, hein, sur le statut de l'enfant. Cet entretien au fond part de l'idée que l'enfant allait probablement mourir, hein, puisqu'un enfant sur deux mourait au XVIIIe siècle, et puis à partir du XIXe siècle et des progrès de la prophylaxie. Évidemment, le taux de mortalité a diminué et maintenant son statut, à travers des états intermédiaires dont Boris Cyrulnik s'explique, c'est plutôt celui du triomphe malheureux, c'est-à-dire au fond d'une mauvaise intégration à l'intérieur du système du système anthropologique qui d'habitude l'accueille, que ce soit la famille traditionnelle ou alors le clan, la tribu, etc. Donc il est dans un système de triomphe malheureux aujourd'hui. Il y a un dégagement dans cet article qui est très intéressant parce qu'il est très technique du point de vue neuropsychiatrique, justement sur le rapport entre les enfants et les écrans, qui donne envie de doter tout écran à n'importe quel enfant immédiatement, de façon à ne pas, le rendre totalement incapable en fait de déchiffrer son environnement. Vous écoutez la radio, non? Vous n'avez pas fait un dégagement Il peut écouter la radio, mais trop regarder les écrans, c'est épouvantable, parce que tout simplement, ça l'empêche de déchiffrer les situations humaines, c'est-à-dire les expressions, les regards, et donc de rentrer dans une forme de relation à l'autre. Donc ce sont des enfants qui sont handicapés de ce point de vue-là. Bien. Ensuite, on a un parallèle entre l'injonction « indignez-vous », la fameuse injonction « indignez-vous » de Stéphane Hessel, et puis, la posture de Greta Thunberg. Ça, c'est Philibert Hum qui s'occupe de ça. On a une étude très intéressante sur l'évolution de l'archétype de la jeunesse engagée à travers la figure de Jeanne d'Arc, et ça, c'est le spécialiste de la littérature médiévale Jean Maurice qui nous l'a fait. Et puis, naturellement, on a, il fallait forcément y passer, si je peux dire, on a Rousseau. L'âge de l'enfance inauguré par Rousseau dans les 1000, bien sûr, avec une décomposition par Christophe Martin en trois thèmes qui caractérisent en fait l'enfant depuis Rousseau. C'est au fond l'enfance, c'est l'âge de l'innocence, c'est l'âge de la vérité perdue et c'est l'âge des possibles. Voilà. Mm-hmm. Et depuis ce temps de Rousseau, si je peux dire, on tourne autour de ces trois thématiques et définitions de l'enfant. Puis ouais. Beaucoup d'autres choses aussi. Peter Pan, évidemment, ouais. La revue des revues, un œil sur la revue Zone Critique. Oui, qui est à l'honneur cette fois-ci parce que, on parle de quatre revues, mais simplement je parlerai ici de Zone Critique parce qu'elle est née en ligne et que ça devient une revue papier avec un numéro sur la crise sociale où il y a beaucoup question d'insurrection et de la figure du migrant. Voilà, donc il faut à la fois se procurer la revue des Deux Mondes et aussi Zone Critique. Merci beaucoup Marin de Viry. C'était la compagnie des œuvres, Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Pierre Cataneo, Laurence Malonda, Léa Sabourin et Élise Le. Demain, on continue de parler de Cartier-Bresson. Cette fois, pour le parcours de l'œuvre, nous serons avec Jean-Pierre Montier. Et puis, à 21h ce soir, Marie Richer reçoit la photographe Agnès Geoffrey pour son exposition au FRAC Auvergne. Dans un instant, les sciences sur France Culture.